Lui, roman policier par Maurice Renard. Nocturne, 2 heures du matin. La rue, par cette nuit froide, était sévèrement déserte et silencieuse, une petite rue équivoque dans le quartier des Ternes. Quelqu'un tourna le coin, silhouette élégante du gentleman, chapeau à haute forme, foulard blanc, macfarlane noir et souliers vernis. Les mains dans les poches, le bout de la canne dépassant l'épaule, l'homme du monde si l'on veut, marchait très droit, d'un pas délibéré, rentrant chez lui selon toute apparence. La zone d'ombre, après le réverbère, ne lui fit marquer aucune hésitation. Il s'y engagea de pied ferme. Sa cigarette, par instant, piquait un point rouge. Il n'était plus possible de distinguer ses traits. « Un peu de feu, mon prince ?» C'était classique. L'homme du monde s'arrêta d'une seule pièce. Surgi d'une encoignure ténébreuse, un nocturne, à l'affût, lui barrait le passage. « Au large !» commanda l'interpellé fort paisiblement. La voix reprit, crapuleuse, certes. « Faites pas le mariole et videz vos profondes !» Mais, à défaut de revolver, et sans savoir au juste ce qui en résulterait, l'homme du monde braqua sur l'autre, en plein visage, le faisceau lumineux d'une lampe électrique. La surprise, alors, le fit s'exclamer. Toutefois, il n'eut que le temps d'opérer une retraite de corps pour éviter que sa lampe ne fût, d'un revers de main, jetée à terre. Et tandis que cette passe s'exécutait, il prononça très vite « Minute, pas de bêtises !» « Rentrez ce couteau, nom d'un chien !» Et, tournant la lampe vers lui-même, ce fut sa propre face qui l'éclaira. L'escarpe, à cette vue, proféra sur un ton de terreur le court juron que l'on devine. « Ah, mon bonhomme, tu reconnais cette figure-là » Mais, sans répondre, l'agresseur tourna les talons et s'enfuit avec une vélocité remarquable au bruit mou de ses savates. Immédiatement, l'homme du monde se mit à sa poursuite, courant avec légèreté, lui aussi, et criant à mi-voix, si l'on peut s'exprimer de la sorte, « Arrête ! Arrête donc ! Je ne dirai rien, je te le jure ! Mais arrête, mille tonnerres ! Causons, il faut que je te parle !» Muet, rapide, ne voulant rien entendre, l'Alphonse filait à toutes jambes. Il n'avait assurément qu'une idée, ne pas se laisser rattraper. Il y réussit. De rue en rue, le gentleman perdait du terrain. Il renonça bientôt à cette chasse inopinée. « Ça, c'est trop fort » murmura-t-il en s'épongeant le front. « Mais je le retrouverai. Ce doit être facile, parbleu. Oui, il est indispensable que je mette bon ordre à cela, que je guérisse ce malheureux. » Il avait rebroussé chemin. Il souriait vaguement sous le coup d'une stupéfaction qui ne s'atténuait pas et l'incitait à parler tout haut. Qui diable aurait jamais supposé une chose aussi baroque, disons le mot, aussi monstrueuse? Se trouver tout à coup en face de... Oh, détrousseur! Non, c'est un scandale trop pénible et j'y mettrai fin. Certains diraient peut-être que je suis stupide, mais vrai, cela m'a fait quelque chose. Toi, mon garçon, dès demain. » Mais il marchait rondement à cause du retard, et sa voix murmurante se perdit dans la nuit.